des mouchoirs de dentelle sur le parquet des hommes. Les promesses habituelles d'un corps qui s'abandonne. Les mots d'amour gravés sur l'écorce d'un chêne. Les médaillons dorés sous les eaux des fontaines. Tous ces regards volés, ces mouvements de cheveux. Aimer, se faire aimer, jouer avec le feu. Ce n'est qu'un jeu, un jeu, un jeu. De l'amour, du hasard, c'est un jeu dangereux. Mais c'est un jeu, un jeu, un jeu. Dans les règles de l'art, celles du temps et du lieu. Ce n'est qu'un jeu. Un rendez-vous secret que l'on donne à voix basse. Tous les baisers discrets échangés dans les glaces. Ces attentes, ces retards, ce rien de jalousie. Se cacher comme une star loin des paparazzis. Et ces corps qui se frôlent, ce frisson inconnu. Se croire le premier rôle du plaisir défendu. Ce n'est qu'un jeu, un jeu, un jeu. De l'amour, du hasard, c'est un jeu dangereux. Mais c'est un jeu, un jeu, un jeu. Dans les règles de l'art, celles du temps et du lieu. Mais c'est un jeu.